Le secret de William Wilkie Collins. Première partie. Chapitre 1er. Le 23 août 1829. Ira-t-elle bien jusqu'à demain? Regardez l'horloge, Joseph. Minuit 10 minutes. Une nuit de plus qu'elle aura duré. Quoi qu'il arrive, Robert, elle aura vu les 10 premières minutes de cette journée. Ce dialogue s'était engagé dans la cuisine d'une grande maison de campagne située sur la côte occidentale du pays de Cornouailles. Les interlocuteurs étaient deux des domestiques mâles du capitaine Treverton, officier de marine, et l'aîné des représentants masculins d'une ancienne famille du pays. Les deux serviteurs se parlaient à l'oreille, sotto voce, serrés l'un contre l'autre, et jetant un regard inquiet vers la porte à chaque intervalle de silence. « Ce n'est pas une chose de peu de conséquence, » dit le plus âgé, « que de nous trouver ainsi, tous deux, seuls, à cette heure de silence et de ténèbres, comptant les derniers moments de vie qui restent à notre maîtresse. »« Robert, » dit l'autre, baissant encore la voix, de manière à être à peine entendu, « vous servez ici depuis votre enfance. Avez-vous jamais entendu dire que madame fut une comédienne à l'époque où l'épousa monsieur ?»« Comment avez-vous su cela ?» demanda vivement le vieux domestique. « Chut !» s'écria l'autre, se levant soudain de sa chaise. Une sonnette vibrait dans le corridor extérieur. « Est-ce pour un de nous ?» demanda Joseph. « Ne savez-vous pas encore distinguer le timbre de ces sonnettes ?» s'écria Robert, non sans quelque dédain. « Celle-ci appelle Sarah Leeson. Allez plutôt voir dans le corridor. » Le plus jeune des deux valets prit un flambeau et suivit le conseil qui lui était donné. En ouvrant la porte de la cuisine, il vit, sur la muraille en face de lui, une longue rangée de sonnettes. Au-dessus de chacune était peint, en lettres noires, le titre du domestique qu'elle était destinée à faire marcher. À une extrémité figuraient la femme de charge et le sommelier. À l'autre bout, la fille de cuisine et le petit saute-ruisseau de cet aristocratique établissement. Joseph, par un simple coup d'œil jeté sur ses sonnettes, distingua celle qui, muette déjà, s'agitait encore sur sa tige frémissante. Au-dessus étaient ces mots « femme de chambre ». Instruit par là de ce qu'il avait à faire, il longea vivement le corridor et alla frapper à une grande porte en chêne, travaillée à l'ancienne mode, qui enfermait une des extrémités. Ne recevant aucune réponse, il ouvrit et regarda. La chambre était obscure et déserte. Sarah n'est pas dans la chambre de la femme de charge, dit Joseph à son camarade qu'il était allé rejoindre. Elle est donc rentrée chez elle, répliqua l'autre. Montez lui dire que sa maîtresse la demande. La sonnette retentit de nouveau, comme Joseph se mettait en route. Vite, vite, s'écria Robert. Dites-lui qu'on la demande à l'instant même. On la demande, continua-t-il plus bas et se parlant à lui-même, et peut-être pour la dernière fois. Joseph gravit 3 étages, traversa jusqu'à la moitié de sa longueur une longue galerie en arceaux, et heurta de nouveau à une autre vaste porte de chêne. Cette fois, on répondit au signal. Une voix claire, douce, modérée, à l'intérieur de la chambre, s'enquit de la personne qui frappait. En peu de mots et fort à la hâte, Joseph transmit son message. Il n'avait pas fini de parler que la porte s'ouvrait sans bruit, bien que vivement poussée. Sarah Leeson, un flambeau à la main, se montra debout sur le seuil. Ni grande, ni belle, ni dans la fleur de l'âge, avec des manières timides qui trahissaient l'irrésolution de sa volonté, une mise dont la simplicité était poussée jusqu'aux extrêmes limites de ce que les convenances autorisent, la femme de chambre, nonobstant tous ses désavantages extérieurs, était une de ces personnes qu'on ne peut guère envisager sans quelque curiosité, sinon sans quelque intérêt. Bien peu d'hommes, même à première vue, eussent résisté au désir de savoir qui elle était. Bien peu se fussent tenus pour satisfaits de cette simple réponse « C'est la femme de chambre de Mrs. Treverton ». Bien peu se serait interdit un examen plus approfondi, une étude plus attentive de cette physionomie et de ses façons d'être toutes particulières, et aucun, Pas même l'observateur le plus patient, le plus exercé, n'en eût tiré d'autre indication que celle de quelque grande épreuve subie par cette mystérieuse personne à quelque moment donné de sa vie. Dans son attitude, bien des choses encore sur sa figure, disait clairement et tristement « Je suis un débris de quelque chose que jadis vous eussiez regardé avec plaisir. Pauvre épave qui ne sera jamais réparée, que les flots de la vie emporteront à la dérive, sans que personne n'y prenne garde, l'ait en pitié ou veuille la diriger, jusqu'à l'heure où elle touchera le bord fatal et où l'abîme éternel l'aura pour jamais engloutie. » Voilà l'histoire qui se lisait sur la figure de Sarah Leeson, mais sans qu'on en pût savoir davantage. Parmi ceux qui eussent commenté ces données générales, il ne s'en fût probablement pas trouvé deux s'accordant sur la nature des souffrances infligées à cette créature de Dieu. Et tout d'abord, était-ce peine de corps ou d'esprit? Problème d'une solution difficile, en face des traces ineffaçables que la souffrance passée avait laissées sur ce pâle visage. Les joues, rondes et fraîches autrefois, n'avaient plus ni leur contour primitif, ni la couleur qui les avait animées. Les lèvres, d'une coupe délicate et d'une singulière souplesse dans leurs mouvements, étaient flétries et d'une pâleur maladive. Les yeux, grands et noirs, ombragés par des cils d'une épaisseur inusitée, avaient contracté une sorte d'habitude effarée qui leur donnait une continuelle expression d'inquiétude et attestait l'excessive susceptibilité de ses sentiments, la timidité inhérente à sa nature. Jusque-là, les vestiges que le chagrin ou la maladie avaient laissés sur elle étaient ceux qu'on retrouve communément chez la plupart des victimes du mal physique ou des tortures morales. La seule altération extraordinaire qui se put remarquer en elle était le changement précoce survenu dans la couleur de sa chevelure. Abondante et souple, elle ondoyait gracieusement comme celle d'une jeune fille, mais elle grisonnait comme celle d'une femme déjà vieillie. En elle se trouvait le contraste le plus frappant avec les dehors de jeunesse que gardait encore la figure de Sarah, car en dépit de sa pâleur et de sa physionomie inquiète, on ne pouvait pas s'y méprendre un seul instant. Ce n'était point là une femme âgée. Si blême qu'elle fusse, ses joues n'avaient pas une ride. Dans ses yeux, quand on faisait abstraction de cette timidité sans cesse troublée qu'on y remarquait en général, brillait cet éclat humide que la maturité des années ne leur laissa jamais. La peau qui recouvrait ses tempes était lisse comme celle d'un enfant. Ses signes et d'autres, non moins certains, montraient qu'elle était encore loin du déclin de l'âge, à ne compter que les années coulées depuis sa naissance. Malgré sa langueur et pliant comme elle semblait sous le poids des mauvais jours, cette femme, à partir des yeux, ne paraissait pas plus de 30 ans. En la regardant plus haut, l'effet de ses cheveux gris, si épais, si brillants, avait quelque chose de surprenant, d'imprévu, qui produisait comme un saisissement pénible. Si pénible était-il, ce contraste hors nature, qu'on eût préféré des cheveux teints, comme plus vraisemblables après tout. La nature se démentait ici tellement que l'art eût semblé plus vrai. Quel malheur subi avait ainsi jeté sur ses cheveux luxuriants de jeunesse les tristes nuances qui caractérisent l'épuisement sénile? Était-ce une maladie grave? Était-ce une de ces grandes douleurs qui tarissent la vie dans ses sources? Question souvent débattue parmi ses camarades de domesticité, tous frappés par la singularité de son apparence extérieure, et à qui, d'ailleurs, la rendait quelque peu suspecte l'habitude invétérée qu'elle avait de se parler à elle-même. De quelque manière qu'ils s'y fussent pris, leur curiosité avait toujours été déjouée. On n'avait rien pu découvrir, si ce n'est que Sarah Leeson était un peu sur l'œil. C'est ainsi qu'il disait, quand on lui parlait ou de ses cheveux gris ou de ses monologues, et depuis longtemps la maîtresse de Sarah était formellement intervenue, tant auprès de son mari que de ses subordonnés, pour leur interdire toute question inquisitoriale qui eussent pu désobliger et troubler sa femme de chambre. Dans cette remarquable matinée du 23 août 1829, la personne que nous venons de dépeindre se tint un moment, immobile et muette, devant le domestique qui venait l'avertir que sa maîtresse, au lit de mort, réclamait sa présence. Du bougeoir qu'elle tenait, une vive clarté rejaillissait sur ses grands yeux noirs effarés et sur ses cheveux gris, touffus, brillants, hors nature. Elle se taisait, ses mains frémissant d'ailleurs à ce point que l'été noir, mal fixé sur le plateau du bougeoir, y exécutait de petits battements métalliques. Puis elle remercia le domestique de l'être venu prévenir. À ce moment, sa voix parut emprunter un surcroît de douceur à l'émotion, à la crainte dont elle paraissait agitée, et son trouble manifeste n'ôtait rien à la réserve gracieuse, à la bienséance entretenue de ses féminines allures. Joseph, qui, comme les autres gens de la maison, l'avait prise en méfiance et en déplaisance, par cela seul qu'il ne la trouvait pas conforme à ce qu'il croyait le type de la femme de chambre, fut, en cette circonstance, si bien subjugué par cet accueil poli, ce remerciement de bon goût, qu'il lui offrit de porter le bougeoir jusqu'à la porte de leur maîtresse. Elle le remercia de nouveau par un simple mouvement de tête, et passant rapidement devant lui, eut bientôt traversé la galerie. La chambre où se mourait Mrs. Treverton était à l'étage au-dessous. Sarah s'y reprit à deux fois avant de se décider à frapper. Le capitaine Treverton vint lui ouvrir. Au moment où elle l'aperçut, son premier mouvement fut de se rejeter en arrière. Elle eut craint d'être frappée par lui, que ce geste n'eût pas été empreint d'une plus vive alarme. Il n'y avait cependant rien dans la physionomie du capitaine qui peut faire craindre soit un mauvais traitement, soit même une parole brusque ou dure. Cette physionomie ouverte et sereine n'exprimait que la bonté. Les pleurs qu'il venait de verser au chevet de sa femme ruisselaient d'ailleurs sur son visage. « Entrez !» dit-il en détournant la tête pour n'être pas vu si peu maître de lui-même. « Elle ne veut plus des soins de sa garde malade. Elle vous réclame et vous seul. Faites-moi prévenir si le docteur... » Ici, la voix lui manqua tout à fait, et il s'éloigna d'un pas rapide sans même achever la phrase commencée. Sarah Leeson, au lieu d'entrer dans la chambre de sa maîtresse, suivit du regard son maître qui s'en allait, et tandis qu'elle le regardait ainsi, avec une attention profonde, aussi longtemps qu'il fut en vue, ses joues pâles blêmirent encore. Une anxiété approchant de la terreur se peignit dans ses yeux encore agrandis. Lorsque, touchant l'angle de la galerie, il eut disparu, elle écouta un moment les bruits qui se faisaient à l'intérieur de la chambre où elle allait pénétrer. « Le lui aurait-elle dit ?» se demanda-t-elle tout bas, avec l'accent de la plus vive crainte. Puis, avec un visible effort pour se remettre, elle ouvrit cette porte, et après une nouvelle hésitation qui la retint une seconde ou deux arrêtée sur le seuil, elle entra. La chambre à coucher de Mrs. Treverton était une large et haute pièce, donnant sur la façade occidentale de la maison, et par conséquent ayant vue sur la mer. La veilleuse, allumée près du lit, montrait plutôt qu'elle ne dissipait l'obscurité régnante aux angles de l'appartement. Le lit était de forme ancienne, tendu d'étoffes lourdes, enveloppées de rideaux épais. Des meubles qui garnissaient la chambre, ceux-là seuls s'entrevoyaient dans la pénombre, que leur forme massive mettait suffisamment en relief. Les cabinets, la garde-robe, la psyché, le fauteuil à dossier haut, avec la masse indécise du grand lit, apparaissaient ainsi vaguement, devinés plutôt que vus. Le reste des objets épars, çà et là, se perdait dans un ténébreux ensemble. Par la fenêtre, ouverte pour donner accès à l'air frais du matin après une étouffante nuit d'août, arrivait dans la chambre, sourd, monotone, lointain, le bruit du flot déferlant sur les grèves de la côte. À cette première heure du jour naissant, tous les bruits du dehors étaient amortis. À l'intérieur de la chambre, le seul son qui fut nettement perçu était la respiration ralentie et pénible de la mourante. Faible bruit, émané d'une enveloppe fragile et menacée, qui luttait encore, s'imposant par sa ténuité même à l'oreille émue, avec le retentissement éloigné de la clameur éternelle que jette la mer à tous les échos de l'horizon. « Madame, » dit Sarah Leeson, debout auprès des rideaux fermés, mais sans les tirer, « monsieur vient de quitter la chambre où il m'a prié de le remplacer. De la lumière, donnez-moi plus de lumière. » Le mal avait affaibli cette voix, mais l'accent de ses paroles annonçait une résolution singulière en ce moment. et rendue plus remarquable encore par le contraste qu'elle offrait avec le ton indécis de Sarah. L'énergie native de la maîtresse et la faiblesse native de sa suivante s'étaient déjà manifestées dans ces simples paroles échangées à travers les rideaux d'un lit de mort. Sarah, dont les mains tremblaient toujours, alluma deux flambeaux, les plaça en hésitant sur une table auprès du lit, attendit un moment encore, regardant tout autour d'elle avec une timidité soupçonneuse, et enfin tira les rideaux. Le mal dont se mourait Mrs. Treverton était un des plus terribles dont l'humanité ait reçu le legs, un de ceux qui semblent plus spécialement l'apanage des femmes, un de ceux qui, la plupart du temps, minent la vie dans ses organes les mieux cachés, sans qu'aucune trace de ses formidables progrès apparaisse sur le visage des victimes qu'il va faire. En voyant Mrs. Treverton, telle qu'elle apparut au moment où sa femme de chambre ouvrait les rideaux, une personne peu au courant de son état ne se fût jamais imaginé que tous les secours de l'art, si puissants qu'on les lui offrit, étaient désormais superflus. Les indices du mal à peine marqués sur son visage, les inévitables atténuations qu'offraient maintenant les contours arrondis naguère, échappaient presque au regard, ébloui par l'étonnante conservation d'un teint qui était resté frais et pur, et transparent et radieux, comme au plus beau temps de sa jeunesse encore vierge. Maintenant, ce visage reposait sur l'oreiller encadré de riches dentelles, couronné d'une belle chevelure brune aux vifs reflets, et on eût dit celui d'une belle femme relevant à peine de quelques passagères maladies, ou même se reposant après quelques fatigues inaccoutumées. Sarah Leeson elle-même, qui l'avait soignée dès le début, pouvait croire à peine, la contemplant à cette heure, que les portes de la vie se fussent refermées derrière elle, et que, debout au seuil du tombeau, la mort impérieuse lui fit déjà signe. Sur le couvre-pied du lit, quelques brochures aux pages cornées étaient éparses. Dès que les rideaux furent ouverts, Mrs. Treverton fit signe à sa suivante de les enlever. C'étaient des pièces de théâtre, dont certains passages soulignés à l'encre, annotés à la marge, avec indication d'entrée et sortie, de mouvements scéniques, etc., etc., indiquaient l'étude assidue. Les domestiques, en parlant de la profession qu'exerçait leur maîtresse avant son mariage, n'étaient point dupes de faux renseignements. Leur maître, déjà parvenu à la maturité de l'âge, avait effectivement pris pour femme une jeune actrice encore inconnue, qui, depuis 2 ans seulement, jouait sur un obscur théâtre de province. Ses libretti fatigués avaient jadis composé la petite bibliothèque dramatique réunie à grand-peine par la pauvre enfant. Elle leur avait gardé cet affectueux souvenir auquel ont droit les amis de jeunesse, les compagnons de misère et, durant la maladie qui allait finir ses jours, ils étaient restés auprès d'elle, avec leur prestige consolateur. Après les avoir remis en place, Sarah revint vers sa maîtresse. Sa physionomie exprimait la crainte et l'embarras plutôt qu'une véritable douleur. Et déjà ses lèvres venaient de s'entr'ouvrir, lorsque Mrs. Treverton, devançant les paroles qu'elle allait prononcer, indiqua par un geste de sa main qu'elle avait un autre ordre à lui donner. « Poussez le verrou, » dit-elle de la même voix affaiblie, mais avec cet accent net et bref qui avait déjà caractérisé l'expression de ses premières volontés, quand elle demandait que l'appartement fût mieux éclairé. « Poussez le verrou, et que personne n'entre plus jusqu'à nouvel ordre. »« Personne, » répéta Sarah d'une voix hésitante, « pas même le docteur, pas même monsieur. »« Ni le docteur, ni monsieur, personne, » dit Mrs. Treverton, montrant de nouveau la porte. Il n'y avait pas à se méprendre sur le sens de ce geste impérieux. Sarah obéit, et le verrou mis, revint près du lit où ses yeux inquiets, agrandis encore par l'incertitude et la peur, s'arrêtèrent un moment sur ceux de sa maîtresse, après quoi, se penchant tout à coup sur elle, « Monsieur a-t-il tout appris ? » demanda-t-elle à voix basse. « Non, lui fut-il répondu. Je l'ai fait appeler pour lui tout dire. J'ai lutté de mon mieux pour articuler ces fatales paroles, et seulement à la pensée du mal que j'allais lui faire, Sarah, je me suis senti ébranlé jusqu'au fond de l'âme. Je l'aime d'un amour si vrai. Il est si bien ce que j'ai de plus cher. Et malgré tout, cependant, j'aurais trouvé la force nécessaire, s'il n'eût lui-même parlé de l'enfant. Sarah, il y revenait toujours, il en reparlait sans cesse. J'ai dû me taire. Sarah, oublieuse de sa position à un point que la plus indulgente des maîtresses eût pu trouver bizarre, s'était laissée aller dans un fauteuil dès les premiers mots de cette réponse. Pressant ses mains tremblantes sur ses yeux en pleurs, elle articulait à peine, en gémissant, quelques plaintes désordonnées. Qu'arrivera-t-il? Que deviendrons-nous maintenant? Les yeux de Mrs. Treverton, au moment où elle parlait de son mari et de l'affection qui lui inspirait, s'étaient attendris et humectés peu à peu. Elle demeura quelques instants silencieuse. L'émotion qui la travaillait intérieurement ne s'exprimait plus que par sa respiration saccadée, pénible, haletante, et par la pénible contraction de ses noirs sourcils. Peu après, cependant, elle tourna la tête avec effort du côté du fauteuil où pleurait Sarah, et reprenant la parole, cette fois bien bas. « Voyez, cette médecine, il me la faut, » dit-elle. Sarah se redressa aussitôt, cédant à l'instinct de l'obéissance immédiate et séchant les pleurs qui coulaient le long de ses joues. « Le docteur, » dit-elle, « laissez-moi prévenir le docteur. »« Non, c'est la médecine que je veux. La médecine, cherchez. »« Lequel des deux flacons? L'opia ou... Non, pas l'opia, l'autre. » Sarah prit sur la table une fiole et, regardant avec attention les instructions écrites sur l'étiquette, dit que l'heure n'était pas encore venue où ce breuvage pouvait être administré de nouveau. « Donnez-moi ce flacon. Pour Dieu, n'exigez pas cela de moi. Attendez, je vous en supplie. Le docteur a dit que ceci à trop forte dose équivaut à de l'alcool. » Les yeux gris et perçants de Mrs. Treverton commençaient à jeter des flammes. Une teinte pourpre envahit ses joues, et sa main, soulevée à grand-peine, soulignait, pour ainsi dire, l'ordre qu'elle allait réitérer. « Débouchez ce flacon, disait-elle, et donnez-le-moi. J'ai besoin de force avant tout. Que je passe dans une heure ou dans 8 jours, peu importe, donnez-moi ce flacon. » « Pas le flacon, reprit Sarah, qui néanmoins cédait, sans presque en avoir conscience, à ses injonctions énergiques. « Il reste encore 2 doses. Attendez, je vais apporter un verre. » Et comme elle se détournait vers la table, Mrs. Treverton porta la fiole à ses lèvres, l'épuisa en quelques gorgées, puis la rejeta sur le lit, par un mouvement presque convulsif. « Elle s'est empoisonnée, » s'écria Sarah, qui s'élançait déjà vers la porte. « Arrêtez !» dit la voix qui partait du lit, raffermie et plus impérieuse que jamais. « Arrêtez, revenez, relevez-moi sur ces oreillers. » Sarah tenait déjà le bouton de la porte. « Ici, » reprit Mrs. Treverton. « Tant qu'il me restera un souffle de vie, j'entends qu'on m'obéisse exactement. Revenez !» Et tandis qu'elle parlait, ses joues reprenaient leur vive couleur, ses yeux plus ouverts, leur éclat passionné. Sarah revint sur ses pas, et de ses mains tremblantes ajouta un coussin de plus à ceux qui étayaient les épaules et la tête de la mourante. Pendant qu'elle se livrait à ce soin, les couvertures se déplacèrent un instant. Mrs. Treverton, avec une sorte de frisson, se hâta de les ramener sur elle et de les rassembler autour de son cou. « Avez-vous tiré le verrou ? » demanda-t-elle ensuite. « Non. Je vous défends de retourner de ce côté. Apportez ici l'écritoire, la plume et l'encre qui sont dans le cabinet près de la croisée. » Sarah se dirigea vers le meuble indiqué, l'ouvrit machinalement, et seulement alors, se ravisant tout à coup, comme si quelque soupçon lui eût traversé l'esprit, demanda dans quel but sa maîtresse voulait avoir de quoi écrire. « Apportez, vous verrez. » répondit brièvement celle-ci. L'écritoire, sur laquelle une feuille de papier à lettres était disposée par avance, fut placée sur les genoux de Mrs. Treverton. La plume, trempée d'encre, fut mise entre ses doigts. La pauvre femme demeura un instant immobile, les yeux clos, et poussa un profond soupir. Elle se mit ensuite à écrire et au moment où sa plume effleura le papier, « Regardez, » dit-elle à sa femme de chambre. Sarah, suivant de l'œil par-dessus l'épaule de sa maîtresse, les mots que celle-ci traçait péniblement l'un après l'autre, lut d'abord, à mon mari. Oh non, non, pour l'amour de Dieu, que ceci ne soit pas écrit, s'écria-t-elle, saisissant la main de sa maîtresse. Mais un simple regard suffit pour lui faire lâcher. La plume reprit son œuvre, et de plus en plus lentement, avec un effort de plus en plus visible, assembla ce qu'il fallait de mots pour remplir une ligne. À l'extrémité de cette ligne, elle s'arrêta. Les lettres de la dernière syllabe s'étaient confusément amalgamées. « Non, non !» répétait Sarah, qui venait de s'agenouiller au bord du lit. « Ne lui écrivez pas ce que vous n'osez lui dire. Laissez-moi cette torture à laquelle je suis faite dès longtemps. Que le secret meure avec vous, avec moi et pour tous, et à jamais, à jamais, à jamais !» « Ce secret doit être révélé, » reprit Mrs. Treverton. « Mon mari ne peut l'ignorer plus longtemps. Il aurait déjà dû le connaître. J'ai voulu le lui dire. Le cœur m'a manqué. Je ne puis me fier à vous pour le lui dire quand je ne serai plus là. Donc, il faut écrire. Prenez-vous-même la plume. La vue me fait défaut. Mes doigts me refusent le service. Prenez la plume. Écrivez, mot pour mot, ce que je vais dicter. » Sarah, au lieu d'obéir, enfouit sa tête sous le couvre-pied et se mit à pleurer amèrement. « Depuis mon mariage, reprit Mrs. Treverton, vous ne m'avez jamais quitté. Vous avez été pour moi une amie bien plus tôt qu'une domestique. Me refuserez-vous ce dernier service? Vous hésitez? Insensé, levez les yeux, écoutez-moi. Si vous refusez, c'est à vos périls et risques. Prenez cette plume. Écrivez, et sans retard, ou le repos de la tombe me sera refusé. Écrivez. Ou, vrai comme il y a un ciel sur nos têtes, je reviendrai de cet autre monde vous trouver en celui-ci. » Sarah, poussant un faible cri, se dressa soudain. « Vous me donnez le frisson, » murmura-t-elle, arrêtant sur la figure de sa maîtresse des yeux égarés où se peignait une horreur superstitieuse. Au même instant, les effets du stimulant pris à trop haute dose commençait à apporter le trouble dans le cerveau de Mrs. Treverton. Sa tête roulait sur l'oreiller, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Elle répétait au hasard quelques tirades éparses, retrouvées, la veille et le jour même, dans ses pièces de théâtre dont elle avait fait ses dernières lectures. Et tout à coup, tendant la plume à sa suivante avec un de ces mouvements dramatiques qui lui avaient été enseignés jadis, puis jetant dans le vide, à un auditoire absent, un de ces regards perdus qui enlèvent les bravos. « Écrivez, » dit-elle de sa voix la plus profonde et la plus tragique. « Écrivez, » répéta-t-elle avec un geste de reine, encore emprunté au répertoire de sa jeunesse. Pressant machinalement entre ses doigts la plume qui venait d'y être placée, Sarah, dont le regard exprimait toujours la même frayeur, semblait attendre un ordre venu du ciel ou de l'enfer. Quelques minutes s'écoulèrent encore avant que Mrs. Treverton pût reprendre la parole. Elle conservait assez de raisons pour avoir conscience des effets que le médicament enivrant produisait sur ses facultés, et pour vouloir lutter contre eux avant qu'ils eussent jeté ses idées dans une confusion absolue. D'abord, elle demanda son flacon de sel, puis elle inonda ses tempes d'eau de Cologne. Ce dernier moyen lui réussit en partie. Elle se sentit plus maîtresse d'elle-même. Dans ses yeux troublés, l'intelligence reparut, et lorsqu'elle répéta, s'adressant de nouveau à sa femme de chambre, « Écrivez !» Elle put donner à cet ordre un caractère plus imposant, en se mettant à dicter, aussitôt après, sur un ton parfaitement calme et délibéré. Les pleurs de Sarah ruisselaient. Ses lèvres laissaient échapper, de temps à autre, quelques lambeaux de phrases par lesquels de vagues supplications, les élans du remords, les angoisses de la peur, cherchaient à s'exprimer tour à tour, le tout d'une incohérence étrange. Elle n'en continua pas moins à écrire, traçant l'une après l'autre des lignes que l'indécision de sa main rendait fort irrégulières, jusqu'au moment où les deux premières pages de la feuille placée devant elle se trouvaient remplies à peu près. Mrs. Treverton, alors, cessa de dicter, relut ce qui était écrit, et prenant la plume, apposa au bas sa signature. Après cet effort, tout pouvoir de résister à l'espèce d'intoxication que le médicament continuait à développer sembla lui manquer de nouveau. Une rougeur de mauvais augure reparut sur ses joues, et quand elle rendit la plume à sa suivante, un langage saccadé se pressait sur ses lèvres fiévreuses. « Signez, » disait-elle, promenant ses faibles mains sur ses couvertures. « Signez comme témoin, Sarah Leeson. Non, signez comme complice. C'est bien là le mot. Prenez-en ce qui vous revient. Je ne veux pas me charger de tout. Signez, je le veux. Signez comme je vous le dis. » Sarah obéit encore, et Mrs. Treverton, lui enlevant le papier, le lui montra solennellement, avec un triste retour de cette pantomime théâtrale qu'elle avait employée déjà dans un intervalle d'égarement. « Vous remettrez ceci à votre maître, » disait-elle, « et cela dès que je ne serai plus. S'il vous interroge, répondez-lui comme vous répondrez au souverain juge le jour où nous comparaîtrons tous devant lui. » Serrant ses mains l'une dans l'autre, Sarah, pour la première fois, leva sur sa maîtresse un regard assuré. Pour la première fois, elle prit la parole sans hésitation. « Si je me croyais en état de mourir, dit-elle, oh, combien volontiers je changerais de place avec vous. » « Promettez-moi de donner ce papier à votre maître, » répéta Mrs. Treverton. « Promettez-le-moi, ou plutôt non. Je ne croirai pas à votre promesse. Apportez la Bible, celle dont le prêtre ici même se servait ce matin. Apportez-la. Si vous voulez que je demeure en paix dans ma tombe, apportez-la, ou j'en sortirai pour venir vous retrouver. » En répétant cette menace, la mourante riait convulsivement. La femme de chambre, à moitié folle de peur, obéit encore. « Oui, oui, la Bible dont le prêtre s'est servi, » continua Mrs. Treverton d'un ton distrait, après que le livre eut été posé devant elle. Le prêtre, un brave homme, pauvre tête, je lui ai fait une peur. Il m'a demandé, Sarah, êtes-vous en paix avec tous vos semblables? Et j'ai répondu, avec tous, excepté un. Vous savez lequel? Le frère du capitaine. Oh, madame, n'emportez pas cette haine avec vous. Mourrez en paix avec tous, même avec lui. Ainsi disait le prêtre, reprit Mrs. Treverton, dont les yeux commençaient à errer sans but dans l'espace, comme ceux de l'enfant au berceau, tandis qu'elle parlait de plus en plus bas, articulant de moins en moins chaque syllabe. « Il faut pardonner, » disait le prêtre, et je répondais, « Non, je pardonne à tous, pas à mon beau-frère. » Le prêtre s'est écarté du lit tout effarouché. Il a parlé de prier pour moi, de revenir près de moi. « Pensez-vous, Sarah, qu'il revienne ?»« sans doute, » répliqua la suivante. « C'est un digne homme. Il ne manquera pas de revenir. Et alors, oh, alors, dites-lui que vous pardonnez au frère du capitaine. » Ces mots insultants qu'il vous adressait le jour de votre mariage, il les expira. N'en doutez point, tôt ou tard, pardonnez-lui donc. Avant de mourir, pardonnez-lui. » Tout en parlant ainsi, elle voulait, sans que sa maîtresse en aperçût, écarter de ses yeux le livre saint. Mais le mouvement qu'elle faisait attira l'attention de Mrs. Treverton et la ramena au sentiment de la situation présente. « Arrêtez !» cria-t-elle, tandis qu'un dernier éclair, symptôme de sa volonté persistant jusqu'au moment suprême, passait dans son regard obscurci par l'agonie. Et elle prit la main de Sarah, la fixa, la retint sur la Bible. Son autre main errait à tâtons sur son lit, où elle finit par trouver le feuillet manuscrit qu'elle voulait faire parvenir à son mari. Ses doigts se crispèrent sur le vélin, et un soupir de soulagement sortit de ses lèvres. « Ah ! » dit-elle, « je sais maintenant pourquoi j'ai demandé la Bible. Je meurs en pleine possession de moi-même, Sarah, et même à présent, vous ne sauriez me tromper. » Ici, elle s'arrêta une fois encore, un sourire effleura sa bouche, et se parlant à elle-même bien bas. « Attends, attends, attends, » disait-elle à mots pressés. Puis, tout haut, reprenant sa voix et ses gestes de théâtre, « Non, » reprit-elle, « votre promesse ne me suffit pas. Un serment est nécessaire. À genoux. Voici les dernières paroles que je prononcerai ici-bas. Nous verrons si vous osez y désobéir. » Sarah tomba près du lit sur les genoux. La brise du dehors, fraîchissant à l'approche du jour qui allait naître, sépara justement alors les rideaux de la croisée entr'ouverte et apporta ses courants parfumés dans l'atmosphère lourde de la chambre de la malade. Les chocs pesants de la marée murmurante arrivèrent aussi plus distincts et semblèrent se rapprocher. Puis, les rideaux gonflés retombèrent sur eux-mêmes. La flamme des bougies, vacillante un moment, redevint fixe, et le silence imposant qui planait sur cette scène étrange fut moins troublé que jamais. « Jurez, » reprit Mrs. Treverton. La voix lui manqua dès qu'elle eut prononcé cette impérieuse parole. Elle lutta quelque temps, retrouva la faculté de se faire entendre encore et continua. « Jurez qu'après ma mort, vous ne détournerez point ce papier. » Même à ce moment de sérieuse et solennelle adjuration, de lutte désespérée entre la mort et la vie, cet instinct dramatique, qui semblait indéracinable dans l'ex-tragédienne, se manifesta une fois encore avec une sorte d'effrayante inconvenance, mauvais pli indélébile d'une intelligence routinière. Sarah sentit cette main froide qui posait sur la sienne se lever un instant. Elle la vit, décrivant une courbe gracieuse, se dirigeait vers elle, puis cette main retomba, et dans une étreinte frémissante qui exprimait une sorte d'irritation, enveloppa de nouveau celle de Sarah. La pauvre femme ne sut pas résister à cet appel suprême. « Je le jure. Jurez qu'après ma mort, vous n'emporterez pas ce papier avec vous si vous quittez cette maison. » Sarah hésita devant cette seconde promesse. Une nouvelle étreinte, plus faible que la première, vint l'avertir qu'on n'avait pas le temps d'attendre, et de nouveau tomba de ses lèvres le serment solennel « Je le jure. »« Jurez, » reprit pour la troisième fois Mrs. Treverton, mais la voix lui manqua comme auparavant, et cette fois elle essaya vainement d'en retrouver l'usage. Sarah leva les yeux et vit, altéré par des contractions nerveuses, ce visage si beau, la main blanche et délicate, étendue vers la table où les médicaments étaient posés, y promenait des doigts crispés et roidis. « Vous avez tout bu » cria-t-elle, se levant en pied, car elle avait compris le sens de ce geste désespéré. « Madame, chère maîtresse, vous avez tout bu. Il ne reste plus que l'opia. Laissez-moi sortir. Laissez-moi vous aller chercher. » Un coup d'œil de Mrs. Treverton l'arrêta court avant qu'elle n'eût pu achever sa phrase. Un mouvement rapide était imprimé aux lèvres de la mourante. Sarah posa son oreille tout contre. D'abord, elle entendit seulement une respiration haletante et pénible. Puis elle y distingua, par intervalles, quelques paroles confusément mêlées. « Ce n'est pas tout. Il faut jurer. Plus près, rapprochez-vous. » Une troisième promesse. Votre maître, jurez de lui donner. Les derniers mots se perdirent dans un faible murmure. Les lèvres qui les avaient articulées à si grand-peine s'écartèrent tout à coup et ne se refermèrent plus. Sarah s'élança d'un bond vers la porte et, l'ouvrant, demanda des secours à grands cris. Puis elle revint en courant près du lit, saisit la feuille de papier sur laquelle était écrit de sa main ce que lui avait dicté sa maîtresse, et la cacha dans son sein. Le dernier regard que lui adressèrent à ce moment les yeux de Mrs. Treverton était chargé d'indignation et de reproches, et ils gardèrent, pendant un moment plein d'angoisse, cette expression irritée. Ce moment passa. Aussitôt après, éteignant tout ce qui restait des lueurs vitales, l'ombre que la mort projette devant elle vint planer sur le visage apaisé à jamais. Le docteur, accompagné de la garde malade et de l'un des domestiques, entra dans la chambre et, s'approchant du lit à la hâte, vit tout aussitôt que l'heure était à jamais passée où ses services eussent pu produire quelque bien. S'adressant d'abord au valet qui l'avait suivi, « Allez, lui dit-il, priez votre maître de m'attendre chez lui, j'irai sous peu lui parler. » Sarah était demeurée debout, immobile, muette, ne prenant garde à rien ni à personne, au pied du lit mortuaire. La garde, en s'avançant pour approcher les rideaux, ne put l'envisager sans un frémissement nerveux, et s'adressant au docteur, « Je crois, monsieur, dit-elle, que cette personne ne ferait bien de quitter la chambre. » L'accent donné à cette remarque indiquait un certain mépris. « Il me semble, continua la garde, qu'elle est troublée, effrayée au-delà de toute raison par ce qui vient d'arriver. » « Vous avez raison, répliqua le médecin. Il vaut mieux qu'elle sorte d'ici. Permettez-moi de vous engager à nous quitter un moment, ajouta-t-il, posant sa main sur le bras de Sarah. Elle recula aussitôt, comme par méfiance, et levant une main à la hauteur de sa poitrine, à l'endroit même où la funèbre missive était cachée, elle l'y tint étroitement collée, tandis que, de l'autre main, elle cherchait un flambeau. « Vous feriez bien, » dit le docteur en lui en offrant un, « de vous reposer un peu dans votre chambre. Attendez, cependant, » continua-t-il après avoir réfléchi un instant, « je vais porter la triste nouvelle à votre maître, et peut-être voudra-t-il être informé des dernières paroles que Mrs. Treverton a pu prononcer devant vous. Il vaudra donc mieux m'accompagner et attendre à la porte du capitaine que j'ai pu m'entretenir avec lui. Oh non, non, pas à présent. Au nom du ciel, non. » Et tandis qu'elle prononçait ces paroles à voix basse avec un empressement suppliant, Sarah, qui s'était dirigée vers la porte, disparut tout à coup sans qu'il fût possible de lui adresser un seul mot. « Singulière femme, » dit le docteur s'adressant à la garde, « suivez-la, sachez où elle va, pour le cas où nous aurions besoin d'elle, et où il faudrait l'envoyer chercher. J'attendrai ici que vous soyez revenu. » Lorsque la garde revint, son rapport ne fut pas long. Elle avait suivi Sarah Leeson du côté de sa chambre, l'y avait vue entrer, et prêtant l'oreille, avait entendu pousser le verrou intérieur. « Singulière femme, » répéta le docteur, « de l'espèce taciturne et discrète. »« Mauvaise espèce, » remarqua la garde. « Elle ne fait que se parler à elle-même, et à mon avis, c'est là un triste symptôme. Je n'aime pas non plus sa mine. Voyez-vous, monsieur, je me suis méfié d'elle dès le premier jour de son entrée ici. »